بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on continue toujours avec dans le premier chapitre de Kitab al-Tawhid, qui s'intitule d'ailleurs Kitab al-Tawhid, donc c'est le nom du premier chapitre. Et on était arrivé donc au verset, donc le shir, il cite le verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawluh, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et votre Seigneur vous a ordonné de n'adorer que lui, et vous a ordonné, donc le sens, vous a ordonné la bienfaisance envers les parents, envers les deux parents. Donc le Muhashi Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah dit ay amara wa wassa wa awjaba ala al-sunni rusulihi an yu'bada wahdahu duna ma siwa. Wal murad bil qada'i huna al qada'u shar'i dini. فإن القضاء ينقسم إلى قسمين كوني قدري وشرعي ديني. نعم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il dit وَقَضَى. قَضَى, ça a le sens de amara, de wassa ou de awjaba. Donc tous ces mots-là, ils ont à peu près le même sens, c'est le sens de l'obligation, à ordonner. Allah jalla wa ala a ordonné, a commandé. Donc, par l'intermédiaire de ses messagers, il a ordonné, donc, al-thaqalayn, al-jinn wal-ins, de n'adorer que lui seul, sans lui donner aucun associé. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Et ici, le sens de l'qada, ou ce qui est visé par l'qada, c'est l'qada al-shar'i. C'est-à-dire, c'est l'ordre religieux qui est lié à la législation. C'est-à-dire qu'Allah jalla wa ala, comme on a vu pour al-irada, ou le hukm, quand on avait étudié le wasitiya, que l'irada ou le hukm se divisent en, ou sont de deux sortes. Soit l'irada al-shar'iyya, donc c'est tout ce qu'Allah jalla wa ala, donc c'est ce qui est lié à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il ordonne, ou le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant le hukm, il légifère, ou il ordonne un acte ou une parole dans sa religion, c'est-à-dire qu'il ordonne al-mukallafin, donc al-thaqalayn, al-jinn wal-ins, de faire cette chose ou de délaisser cette chose ou de dire une chose ou de délaisser une parole. Ça, c'est lié à sa législation. De la même manière ici, al-qada, donc qui a le sens de l'amr, de l'ordre, il est lié, il est soit religieux, shar'i dini, donc c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne comme acte et comme parole. Et c'est ce qui est lié à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il agrée, comme on l'avait vu. Donc Allah jalla wa ala il ordonne l'amr shar'i, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit quelque chose, c'est quelque chose qu'Allah il n'aime pas. Et ici, clairement, dans le verset, ce qui est voulu, c'est le qada shar'i, c'est-à-dire l'ordre religieux qui est lié à la législation, ça d'un point de vue de ce qui suit, c'est ce qu'on comprend du verset. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après, il ordonne quoi? Il ordonne le tawhid, il ordonne la bienfaisance envers les parents et encore d'autres commandements. Et le qada, il est aussi, comme on l'avait vu pour l'irada ou le hukum, il est kauni qadari, c'est-à-dire qu'il est lié à sa création, à son ordre dans son royaume. Et ça, tout rentre dans cette catégorie-là. Tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre se passe par al-kawni al-qadari, c'est-à-dire par l'ordre qui est lié donc à la création, à sa création, à son royaume. Et la différence, c'est tout ce qui rentre dans le qada al-kawni al-qadari n'est pas forcément aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'avait vu pour l'irada, Il peut vouloir la mécréance du kafir, ou il peut décider de la mécréance du kafir, ou il peut décider de la désobéissance de celui qui lui désobéit, mais ce n'est pas pour autant qu'Allah Jalla wa Ala il aime ceci. Et on avait vu que la base de l'égarement de certains groupes comme Al-Qadariya, Al-Nufat, et Al-Qadariya, Al-Ghulat, c'était le fait qu'ils mélangent les deux sortes justement de volonté ou les deux sortes d'ordre. Que pour eux, Al-Iradat Al-Kawniya ou Al-Iradat Al-Diniya, c'était la même chose. Donc ils se sont, à partir de là, ils se sont égarés, chacun d'un côté. Donc ici, il dit que le qada, il est shar'i dini. Il dit, « واجتملت هذه الآية على جملة الشرائع وابتدأت بالتوحيد فدل على أنه أوجب الواجبات إذ لا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم وختمت بالنهي عن الشرك فدل على أنه أعظم المحرمات وفيه معنى لا إله إلا الله فإن قوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله وقوله إلا إياه ومعنى إلا الله. Et ensuite ce verset, il comporte d'autres ordres religieux, comme on l'a dit. Après l'ordonnance du tawhid, il comporte d'autres ordres religieux. Et justement Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé dans ce verset-là, donc à citer ses commandements, et il a cité en premier lieu le tawhid. Et ça nous indique quoi? Ça nous indique que le tawhid, c'est la chose la plus importante dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il l'a cité en premier, qu'il l'a fait devancer sur les autres commandements. Et on a vu que c'est le but ou la hikma pour laquelle le shir il a écrit ce premier chapitre, c'est de montrer quelle est la place du tawhid dans la religion de l'islam et de montrer son statut. Donc là on voit que le shir il cite ces versets-là, pas pour rien, mais il cite ce verset pour montrer que dans les grands commandements qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a enjoint à sa création, il y a vient en premier le tawhid. Donc c'est le commandement le plus important et la chose la plus importante dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque il dit on commence toujours par le plus important, puis vers les choses qui sont importantes mais moins que la première. Il dit wa khutimat bin nahi an ash-shirki. Wa khutimat bin nahi عن الشرك فدل على أنه أعظم المحرمات. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, il a clôturé ces ordres-là ou ces interdits-là par l'interdiction du shirk. Mais on peut même dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si on regarde les versets comme ils sont, puisque ça vient dans sourate al-Isra, Allah Jalla wa Ala en réalité commence cette série de commandements par l'interdiction du shirk. Puisque le premier verset qui cite avant wa qadara rabbuka, le premier verset qui cite, il cite Allah subhanahu wa ta'ala dit la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda مذموماً مخذولاً. الله جل وعلا avant de dire وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, avant d'enjoindre les gens de commander aux gens le tawhid, il interdit avant cela le shirk. لا تجعلوا مع الله إلها آخر, ne mets pas avec Allah une autre divinité, ne prends pas avec Allah une autre divinité. Donc il a commencé cette série de commandements par une interdiction qui est l'interdiction du shirk. Et il termine cette série de commandements en rappelant encore l'interdiction du shirk. Allah dit وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَّا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. Qui termine dans Sourate Al-Isra, Il y a une longue série de commandements. Il commence par l'interdiction du shirk, puis par l'ordre du tawhid, et il termine encore une fois par l'interdiction à la fin de toutes les interdictions et de tous les commandements. Il termine par l'interdiction encore une fois du shirk. Donc, ça montre que le tawhid c'est la plus grande des obligations et que le shirk c'est la plus grande des interdictions. Et c'est ça la place du tawhid dans la religion de l'islam. Donc, avant les autres shara'i', avant les autres rites, il y a le tawhid. Et on sait que l'acceptation et la validité de toutes ces autres œuvres, toutes ces autres shara'i', tous ces autres rites, elle est basée sur la réalisation du tawhid. Celui qui réalise le tawhid, qui a un tawhid juste, qui a le minimum du tawhid, alors les autres actions sont acceptées, sont prises en compte par la validité de ce tawhid-là. Si le tawhid, il est pas accepté, il est pas réalisé, toutes les autres actions sont nulles. Comme on le verra, inshallah, dans la suite du livre. Et il dit aussi que dans ce verset-là, on a le sens de la ilaha illallah. Comme on l'a dit la dernière fois, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, des fois, il cite la shahada par ses mots. Il cite la shahada par ses mots, c'est-à-dire la ilaha illallah. Comme on l'avait vu dans la dernière fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Al-Anbiya, wa marsalna min qablika min rasoul, illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cite cette shahada par ses mots. Et des fois, il va citer cette shahada-là, mais par son sens. Pas par ses mots, par son sens, par ce qu'elle signifie. Parce qu'encore une fois, la finalité, c'est de comprendre sa signification et de la mettre en pratique. C'est pas simplement le fait de la prononcer, même si on a dit que le fait de prononcer la shahada pour celui qui en est capable, c'est un pilier de la foi aussi. Et donc là, Allah, il dit, donc, Allah, ça, c'est le sens de nafi, de la négation. On avait vu que la ilaha illallah, c'est deux choses. Nafi, la négation, l'affirmation. Donc, ici, dans ce verset-là, Allah, ça, c'est nafi, c'est la négation, c'est le fait de rejeter toute autre divinité et rejeter l'adoration vouée à toute autre divinité en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Illa iyyah, ça c'est l'affirmation, c'est-à-dire que on donne al-uluhiyya, c'est-à-dire on donne la divinité, on donne l'adoration qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça commence donc par une croyance, comme on l'avait vu, la foi, c'est une croyance, c'est des paroles et des actes. Donc ça commence par croire qu'Allah jalla wa ala lui seul mérite l'adoration et ça suit par les actes du cœur, les actes des membres, la parole de la langue, etc. Mais en tous les cas, un instant, s'il vous plaît. Naam, donc, encore une fois, dans la ilaha illallah, on a nafi wa l'ithbat. Ensuite, il fait un peu, bon, ce qu'on appelle istidrad. C'est-à-dire, il va citer ou il va parler du commandement qu'Allah subhanahu wa ta'ala il cite après le tawhid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Donc Allah il nous ordonne de n'adorer que lui et il nous ordonne aussi la bienfaisance envers les parents. Et là, il a fait un petit passage pour parler sur la bienfaisance envers les parents. Donc il dit أي وقضى أن تحسن بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك وعطف حقهما على حقه وعطف حقهم على حقي دليل على تأكد حقهما وأنه أوكد الحقوق بعد الله بعد حق الله يعني و أكده أيضا بالمصدر المؤكد لما فرضه من حقهما لأن الله جعلهما سببا لخروجك من العدم ولم يخص نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواع. وتواترت السنة ببر الوالدين وتحريم عقوقهما. Donc là, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il nous a ordonné aussi la bienfaisance envers les deux parents. Donc, de la même manière, comme on l'a dit, de la même manière qu'il nous a ordonné le tawhid, il nous a ordonné la bienfaisance envers les parents, et donc il a lié les deux choses comme il l'a lié dans beaucoup d'autres versets du Coran. Entre autres, Allah il dit, وَنِشْكُرِنِي وَلِوَالِدَيْكْ. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'être reconnaissant envers lui et envers nos deux parents. Donc là qu'on voit qu'il a lié aussi son droit à lui d'être remercié pour le bienfait dont il nous a fait grâce. Et de la même manière, on doit remercier nos deux parents. Et donc il a lié leur droit à son droit à lui. Ça montre l'importance du droit des deux parents que les deux parents ont sur leurs enfants. Ici dans la langue arabe, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَدَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, c'est-à-dire en réalité ici bon, il y a un verbe qui est caché, وَأَحْسِنُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَحْسِنُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a appuyé la parole, il a renforcé la parole avec le masdar, إِحْسَانًا. On appelle ça, pour ceux qui se rappellent, مَفْعُول مُطْلَق. C'est-à-dire qu'on va citer le masdar du verbe qui est employé dans la phrase. وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِحْسَانًا, c'est le masdar de أَحْسِنُوا, de أَحْسَنَ, du verbe أَحْسَنَ. أَحْسِنُوا ici, c'est un verbe amr, c'est un verbe à l'impératif. Et derrière, il a, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé le masdar, إِحْسَانًا. Donc c'est vraiment pour appuyer le fait que l'enfant, le walid, il doit la reconnaissance et il doit le bienfait envers ses deux parents. Et ensuite il cite une des causes parmi les causes qui fait que on leur doit le remerciement, c'est qu'ils sont le sabab. Allah Jalla wa'ala, il en a fait un sabab pour qu'on vienne au jour, pour qu'on vienne à la vie. Après ne pas avoir existé, pour qu'on vienne dans ce monde-là, à la vie, Allah Jalla wa'ala, il les a mis comme sabab. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire la bienfaisance envers les parents? Parce que ici, si on regarde aussi la formulation de ce verset-là, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un ordre, on appelle ça général, absolu, mutlaq. Il n'a pas dit Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا, par ceci ou par cela. Il donne un ordre comme ça, mutlaq, sans préciser. Ça montre que tout ce qui rentre dans le sens de la bienfaisance, on doit leur donner. Tout ce qui rentre dans la bienfaisance, ça rentre dans le sens de ce verset-là. C'est ça le sens. Et la sunna, on a un nombre de hadith très important qui nous recommande, qui nous ordonne la bienfaisance envers les parents. Il dit « وَتَوَاتَرَتِ sunna », c'est-à-dire que ça atteint le degré de « التَّوَاتُر ». Si on rassemble tous les hadiths qui contiennent l'ordre de la bienfaisance envers les parents, ça atteint le degré de « التَّوَاتُر ». Allah continue avec les versets donc, de Sourate Al-Isra. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Donc si ils atteignent auprès de toi la vieillesse. C'est-à-dire si tes deux parents ou l'un des deux parents a atteint auprès de toi la vieillesse, donc l'âge, un âge avancé, l'âge de la vieillesse, il dit, fala taqullahumma uffin. Ne leur dis pas ouf. Ne leur dis pas ouf. Il dit, c'est-à-dire, ay la tusmi'huma qawlan sayyan hatta wa la ta'fif alladhi huwa adna maratib alqawli say tanbihan bima huwa fawqa dhalika min alqawli say. Donc s'ils atteignent cet âge-là, avancé l'âge de la vieillesse auprès de toi, que ça soit l'un ou les deux, alors ne leur dis pas la moindre parole de mal jusqu'à ce qu'on appelle le ta'fif. Le ta'fif, c'est par exemple lorsque soit quand en général, les gens, quand ils atteignent un âge avancé, ils atteignent la vieillesse, ils commencent à devenir un peu pénibles, commencent à avoir un comportement qui peut s'avérer des fois être un peu pénible. Et Allah Jalla wa il demande à leur enfant de s'armer de patience et de continuer à être bienfaisant envers eux. Et ceci en évitant de leur adresser la moindre parole de mal jusqu'à l'ouf. Ta'fif, c'est le fait de souffler comme ça. Genre ton père ou ta mère te demande quelque chose ou un comportement qui est difficile. On n'a même pas le droit de faire. Fait de souffler comme ça, de montrer une impatience ou de montrer un désaccord ou quelque chose. Et ça ici, il dit le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous interdit dans ce verset-là, même ce qu'on appelle le ta'fif, ou le taqullahumma uffin, il dit ça nous indique, comment dire, ça nous indique que ce qui est pire que ça, c'est interdit d'une manière encore plus claire. Les savants de Usul al-Fiqh, ils appellent ça mafhoum al-muwafaqa. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa nous dit wala taqul lahuma uffin. Quelqu'un va dire Allah m'a dit ne dis pas ouf, ne souffle pas, fou. Mais si je les insulte, c'est bon. Allah il m'a pas dit de pas les insulter, il m'a pas dit non. C'est pas ça le sens. Wala taqul lahuma uffin, c'est-à-dire ne leur dis pas la plus petite parole de mal, ça nous indique quoi? Le verset, il indique que, et de ce qui est pire que ça, encore moins. Ce qui rentre dans, je sais pas, dans l'insulte, ou jusqu'à dans les frapper, ou quelque chose comme ça, c'est interdit d'une manière encore plus forte et encore plus claire, puisque déjà est interdit le fait de souffler. Donc, ce qu'on appelle le mafhoum al-muwafaqa inda al-usuli. On ne va pas s'étendre parce que bon, c'est pas le sujet du livre non plus. Il continue, wa el fi'l say, wa la tanharhuma, ay la yazdur, ou la yazdir ilayhima minka qawlun qabih. Le verbe nahara, ça veut dire zajarahu, ou ardabahu, c'est-à-dire on ne doit pas les réprimander. Encore une fois, quand la personne elle atteint un certain âge, elle va faire des fois des choses qui sont inappropriées, etc. On doit patienter. Et on ne doit pas les réprimander avec une mauvaise parole, une parole dure ou quoi. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit après, wa qul lahuma qawlan karima. Mais plutôt, dis-leur, donne-leur, adresse-leur une parole tendre, douce, avec bon comportement, avec respect. Dis warfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma. Ay Et abaisse pour eux deux, pour tes deux parents, l'aile de l'humilité et de la miséricorde. C'est-à-dire, c'est une image pour dire, et sois humble envers eux, de l'humilité. Pas takabbur, comme il va le dire après, il va citer une parole de l'imam al-Qurtubi, pas se considérer, pas se comporter avec eux comme si c'est un pharaon qui donne des ordres à ses esclaves. Il dit, wa qur rabbi irhamhuma ay fi kibarihima wa inda wafatihima kama rabbayani saghira. أي كما رحماني في تربيتهما لي في صغري أو لتربيتهما. نعم. Et dis au Seigneur, fais-leur miséricorde dans leur vieillesse et lors de leur mort, comme eux m'ont fait miséricorde lorsque j'étais petit. Et lorsque j'étais petit, donc de la même manière qu'ils m'ont fait miséricorde aussi dans mon éducation. Un enfant, c'est pareil. C'est pour ça que les ulémas, souvent, ils comparent et ils disent que les enfants et les personnes âgées, ou quand les personnes âgées deviennent, quand les personnes deviennent âgées, ils reprennent un peu le même comportement et les mêmes désagréments que peuvent apporter des enfants. C'est-à-dire des comportements inappropriés, on va retrouver le même style de comportement chez les personnes âgées que chez les enfants. Et ça peut provoquer des fois de l'impatience, des mauvaises paroles, etc. Donc de la même manière que eux ont patienté avec nous quand nous on avait ces comportements-là lorsqu'on était enfant, nous on doit, entre guillemets, comme on dit en français, rendre leur monnaie de la pièce, même s'il y a beaucoup de hadiths qui montrent qu'on peut jamais rendre ce qu'ils nous ont donné en termes d'affection, de rahma, d'éducation, etc. Mais on doit rendre ceci en nous aussi en disant des bonnes paroles, en s'efforçant, en patientant à ne pas dire de mauvaises paroles ou de faire de mauvais gestes, etc. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose chez le musulmane, ou comme dans tout le reste d'ailleurs, qui s'est affaibli, qui s'est perdu. On trouvait qu'on a des comportements des fois envers nos parents qui sont inadaptés. Il dit, أي إلى آخر الآية أو اقرأ الآية c'est-à-dire إلى آخره c'est-à-dire qu'il y a encore une fois dans ce, ça c'est des versets de sourate Al-Isra il y a un long passage où Allah subhanahu wa ta'ala il cite comme ça des ordres et des interdictions ce qu'on appelle les versets muhkem donc c'est des versets clairs qui sont sans équivoque c'est-à-dire que c'est pas des versets qu'on peut interpréter de manière différente, c'est des ordres bien précis, bien clairs, et ça constitue la base du livre, la base du Coran, c'est-à-dire le tawhid et ensuite les grands ordres et les grandes recommandations et les grands interdits. Il continue avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le quatrième verset. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Ya'muru subhanahu 'ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la sharika la. Fa'innahu al-khaliqu al-raziqu al-mun'imu al-mutafaddilu 'ala khalqihi. وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. Donc Allah جل وعلا dans ce verset-là, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, et adorez Allah et ne lui associez rien d'autre comme divinité. Il dit Allah nous ordonne ou ordonne à ses serviteurs de l'adorer lui seul sans lui donner aucun associé. Et ensuite ici, le cheikh dit fa'innahu al-khaliq. C'est une parole qu'il a prise d'Ibn Kathir. C'est une parole d'Ibn Kathir. Fa'innahu al-khaliq al-raziq. Donc là ici c'est le sebab. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il mérite l'adoration lui seul et pas une autre divinité? Fa'innahu al-khaliq al-raziq. Parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui pourvoit aux besoins de ses créatures. Al-Mun'im, c'est lui qui donne tout bienfait à ses créatures. Al-Mutafaddil 'ala khalqihi. Donc c'est lui qui apporte tout bienfait et tout profit à sa créature, c'est lui. Et par cela, wa huwa al-mustahiq minhum an yuwahhiduhu wa la yushriku bi shay'in. Et par cela, c'est lui qui mérite qu'on l'adore, qu'on lui obéisse en dehors de tout autre associé. Qui ne se décrit pas par ces qualités-là, par ces actes-là. Rentre aussi là-dedans Parce que là, si on lit ça, on comprend que l'adoration, elle est due à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour le bienfait qu'Allah il nous octroie, qu'il nous octroie. Or, on sait qu'Allah jalla wa ala, il est aussi adoré pour ses sifat, ce qu'on avait vu, sifat dhatiya, c'est-à-dire par les caractéristiques, les sifat qu'Allah jalla wa ala, par lesquelles il se décrit, qui sont des sifat de perfection et qui par ces sifats-là mérite l'adoration aussi. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit capable de tout, il soit savant de toutes choses, qu'il soit le plus grand, qu'il soit plus grand que les cieux, que la terre, que toutes ces choses-là, ça mérite aussi notre adoration et ça mérite qu'on lui obéisse à lui seul sans lui donner aucun associé. Ça retourne toujours à le sens de l'hamd wa shukr. On sait que l'hamd, on loue Allah azza wa jal pour deux choses. On le loue pour ce qu'on appelle le sifat al-fi'liya, al-muta'addiya, comme on avait vu dans le wasitiya. Donc c'est des sifats d'actes, des actes qu'Allah jalla wa ala, et qui ont une répercussion sur sa création. Comme le fait qu'Allah nous ait créés, qu'il pourvoit nos besoins, qu'il nous donne un tas de bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer, etc. Tout ça, c'est des actes, mais qui vont avoir une répercussion sur le serviteur, sur la vie du serviteur. Allah, on l'adore et on le loue pour ça. Mais on le loue aussi pour ses sifat, ce qu'on appelle les sifat dhatiya. C'est donc des sifat par lesquels il se décrit et qui nous montrent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous font comprendre que lui seul, il mérite l'adoration, l'obéissance et la glorification. Il dit وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il a lié donc l'obligation de l'adoration, de l'adorer lui, donc d'adorer Allah, il a lié à ça l'interdiction du shirk. Il a lié à ça l'interdiction du shirk. Ici, on a le waou. Wa'budullah, wa la tushriku bi shay'an. Donc le waou, ici, les ulama de l'usul, ils appellent ça dilalat al-iqtiran. C'est-à-dire le waou, ici, il nous montre que ce qu'il y a après, il faut que ça soit réalisé aussi en même temps que la première chose, pour que cette première chose, elle soit valide. Donc ça nous montre que le délaissement du shirk, c'est une condition obligatoire pour l'accomplissement de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si bien que si quelqu'un, il donne un acte d'adoration à Allah, puis qu'il donne un acte d'adoration à un autre qu'Allah, son adoration, elle est vaine, elle est nulle. Il n'y a pas de tawhid. Et ça, c'est une réponse à ceux qui parlent d'excuses dans l'ignorance, dans le shirk akbar. Ça, c'est quelque chose d'important, de très important de comprendre ça et que ça soit bien clair. C'est que tous ceux qui viennent avec, en général, tous ceux qui viennent en parlant de l'excuse de l'ignorance dans le shirk akbar, en général, c'est des gens qui ne connaissent pas le tawhid. Parce que le tawhid, c'est quoi? C'est deux parties, comme on a dit. C'est l'adoration d'Allah seul, le délaissement du shirk. Et le délaissement du shirk, c'est une condition pour la validité de l'adoration. Ça, c'est le tawhid. Comment on peut dire ça? C'est l'essence du tawhid. Dans le sens où si on enlève ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de tawhid. Donc si la deuxième chose, le délaissement du shirk n'est pas réalisé, il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de tawhid. Que la personne, elle soit savante, qu'elle soit ignorante, qu'elle soit dans n'importe quelle condition qu'on puisse imaginer, à partir du moment où il y a le shirk, il n'y a plus de tawhid. Et s'il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas d'islam. On ne peut pas appeler la personne musulmane, musulmane. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait le minimum, qui est le tawhid, qui soit réalisé pour qu'on puisse appeler la personne musulmane. Tant qu'il n'y a pas le tawhid, Et ceci, quelles que soient les conditions, l'ignorance, la science, il est né dans une contrée lointaine, il vient juste de rentrer dans ce qu'on pense être l'islam, etc. Mais il commet du shirk, alors il est excusé. Non. Ceux qui disent ça, c'est des gens qui savent pas ce que c'est le tawhid. Parce que pour dire que quelqu'un qui fait du shirk akbar, qu'il est musulman, ça veut dire qu'il est musulman mushrik en même temps. Musulman mushrik. Or, quelqu'un qui connaît le tawhid, il sait que c'est pas possible. Et que le délaissement du shirk akbar, c'est une condition pour réaliser la base du tawhid, pour réaliser l'adoration. Sans ça, il n'y a pas de tawhid. Et c'est pour ça qu'il dit, فَدَلَّتْ عَلَى أَنَّ اجْتِنَابَ الشِّرْكِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعِبَادَةِ. Le délaissement du shirk, c'est une condition, une charte dans la validité de l'adoration. Puis il dit, وَالشِّرْكِ تَسْوِيَةُ غَيْرِ اللَّهِ بِاللَّهِ فِيمَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ اللَّهِ. Là, il donne une définition du shirk. Encore une fois, ça aussi on en a parlé la dernière fois et ça c'est très important, c'est qu'il y a des mots dans la législation qui ont une réalité ou qui ont un sens bien précis dans la législation. C'est-à-dire que, évidemment, c'est un Coran et une Sunna en langue arabe, donc ces mots-là, ils ont tous une signification en arabe, dans la langue arabe. Mais on a vu qu'il y a certains mots qui ont une définition bien précise et plus particulière dans la législation, on dit qu'ils ont une haqiqa shar'iyya. Haqiqatun shar'iyya. C'est-à-dire, ils ont un sens dans la législation qui est plus précis que leur sens dans la langue arabe. Et que lorsque c'est le cas, on doit toujours faire devancer leur définition dans la législation sur leur définition dans la langue arabe. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de comprendre dans le Coran et dans la Sunna un mot dans son sens dans la langue arabe, alors que ce mot-là, il a un sens bien précis dans la langue et dans la législation. Allah Jalla wa Ala, il dit, wa aqimu salat wa atu zakat. Allah Jalla wa Ala, il dit, accomplissez la salat. La salat dans la langue arabe, c'est quoi? Dua, c'est l'invocation. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de faire wa aqimu salat, de faire n'importe quelle invocation? Est-ce que je fais une invocation comme ça, libre? Est-ce que j'ai accompli mon devoir? Est-ce que j'ai réalisé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande? Non, parce que la salat, c'est un mot qui a un sens bien particulier dans la charia. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éclairé ça. C'est quoi? C'est takbirat al-ihram, c'est ruku', c'est sujud, c'est tashahhud, c'est tout ce qu'on connaît dans la salat. Donc un mot, quand il a un sens dans la législation, on doit comprendre ce mot-là et on doit faire devancer ce sens-là qu'il a dans la législation sur le sens qu'il a dans la langue arabe. Alors évidemment, en général, c'est même pas en général, tout le temps, il y a toujours un lien entre les deux. Il y a toujours un lien entre le sens du mot dans la langue arabe et son sens dans la législation. Mais le sens dans la législation, en général, il est plus restreint, il est plus précis. Ici, pour le shirk, c'est pareil. Ici, le shirk il donne une définition du shirk. Il dit wa shirku taswiyatu ghayrillah billah fima huwa min khasa'isillah. Il dit donc c'est mettre à l'égal un autre qu'Allah, c'est-à-dire mettre à l'égal Allah et un autre que lui dans une chose qui fait partie de ce qui est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Fait partie de ses particularités, de ce qui lui est réservé, ce qui n'appartient qu'à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran, il nous a donné une définition du shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il nous a donné une définition du shirk, donc son sens dans la législation, dans la sunna. Et c'est pour ça qu'on en avait parlé la dernière fois de la même manière avec le tawhid, ou avec l'iman, avec l'islam, avec le bid'a, tous ces mots-là qui sont des mots, on dit, qui ont des haqa'iq Sharia, qui ont des sens bien particuliers dans la charia. Ici, shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, au début dans Surat al-Baqarah, il dit Yehiwan nas, ou'budu rabbakum, allazi khalaqakum, allazi na min qablikum, la'allakum tattaqoun. Et à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il commence le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, c'est le premier ordre qu'Allah donne dans le Coran. C'est-à-dire, si on prend le Coran dans le sens dans lequel il a été classé. On ne parle pas de l'ordre de dans la de, par rapport à l'ordre dans le ce que je veux dans la révélation. Quelle sourate a été révélée en premier dans la révélation? On parle de l'ordre dans lequel il est le Coran aujourd'hui qu'on a. Donc sourate al-Baqarah, le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne, c'est cet ordre-là. Ya ayyuhannas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne, c'est tawhid, l'adoration. U'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum, qui vous a créé. Walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il termine le verset en disant quoi? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Et ne donnez pas, ne mettez pas des semblables à Allah alors que vous savez. Dans ce verset-là, on a le sens de la ilaha illallah. Il commence le verset Yehuannas wa adorez Allah. Et à la fin du verset, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne donnez pas à Allah des semblables, des égaux, alors que vous savez. Ça, c'est quoi? C'est l'interdiction de quoi? Du shirk. Et donc, le shirk, dans la charia, il a ce sens-là. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Mettre un égal, un semblable à Allah dans une chose qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le sens du shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été questionné sur le pire des péchés. C'est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui le questionne sur le péché le plus grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond: An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une définition aussi du shirk. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Que tu mettes un semblable à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. C'est-à-dire que tu donnes un semblable à Allah dans l'adoration alors que c'est lui seul qui a créé et que tu sais que c'est lui qui t'a créé. Comme Allah, comme il dit à la fin du verset qu'on a cité avant dans Sourate Al-Baqarah, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et vous savez que c'est lui qui vous a créé, ceux d'avant vous, qui a mis le ciel pour vous, qui fait descendre l'eau du ciel, qui a fait sortir de la terre fruits, légumes, etc. Tout ça, vous le savez, on sait que les mouchriquins de Quraysh, ils savaient tout ça. Ils reconnaissaient tout ça. Mais donner des égaux à Allah Jalla wa Ala dans l'adoration pour se rapprocher d'Allah. Allah dit, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Professeur Sallam il dit أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. Ça, c'est la définition du shirk. Donc, c'est le sens du shirk dans la charia. Donc, personne n'a le droit, après ça, de venir et de donner une autre définition au shirk que celle-là. Ça, c'est important aussi. C'est dit Shay'an. Il dit Shay'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc dans ce verset-là, Wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'an. Shay'an, ici, il va faire une remarque qui est basée sur la langue arabe. Il nous dit Shay'an nakiratun fi siyaq an-nahy. Fata'ummu shirka qalilahu wa kathirahu. Donc là, il nous dit que Shay'an nakira, c'est-à-dire c'est un nom indéterminé. Shay'an, on a un tanwin. Donc c'est un nakira. Et ce mot-là, qui est nakira, donc qui est indéterminé, il vient dans une phrase dont le sens est l'interdiction. Allah dit wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an. Ici c'est on appelle ça la al-lamnahiya. C'est pour donner une interdiction. Et la règle dans l'usul, c'est que quand on a un mot qui est nakira, c'est-à-dire indéterminé. Ici shay'an il est indéterminé, il a le tanwin, il n'a pas alif lam devant. Si on a alif lam devant, on dit ma'rifa. C'est un mot déterminé. C'est-à-dire qu'on parle d'une chose bien précise. Là shay'an c'est nakira. C'est comme si on parle d'une chose imprécise, globale, global. Shay'an, donc nakira fi siyaq an-nahy, dans une phrase d'interdiction, ça indique la globalité. Ça indique la généralité. C'est-à-dire que, donc ici il dit, nakiratun fi siyaq an-nahy fata'um shirk qalila huwa kathira. Dans ce qu'il dit fi an-nazar, ce qu'il dit là, c'est discutable. Discutable en quoi? Ici, ce que le shirk veut dire, il veut dire que on comprend de ça que l'interdiction ici, elle concerne le shirk dans sa globalité. Que ça soit du petit shirk, du grand shirk, ou que ça soit un grand shirk fait beaucoup de fois en grande quantité, ou etc. Ça concerne, et ça concerne toutes les formes de shirk. Or, ici, ça, on ne le prend pas de Shay'an. Parce qu'en réalité, la langue arabe, elle nous indique que dans ce verset-là, il y a deux umum. Désolé, là, il y a un peu de grammaire, c'est bien d'essayer de comprendre. Là, il y a deux umum dans ce verset-là. Le premier umum, la première chose qui nous indique le umum, c'est-à-dire la globalité, la généralité, c'est le verbe. Wala tushiriku. Wala tushiriku. La ici, le lem, on l'appelle la lannahiya. Lannahiya. C'est une préposition harf qu'on utilise pour exprimer l'interdiction. Le verbe qui suit, c'est un verbe fi'lun mudari'. On a tous vu ça. Fi'lun mudari'. Et il est majzoum. Il est majzoum, c'est-à-dire que il est dans un état. On a enlevé le noun, on dit pas wala tushrikuna, on dit wala tushriku, il est majzoum, on a enlevé le noun parce qu'avant justement il y a le lannahiya. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que tushriku, c'est un fi'al mudari', c'est un verbe mudari', je sais plus comment vous appelez ça là, en français, là, je crois que ça s'appelle inaccompli, c'est ça, hein, inaccompli. Et donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est que le verbe le fi'al al-mudari', ils disent, les ulama de la langue arabe, ils disent le fi'al al-mudari' mutadammin li-masdar. C'est-à-dire que le verbe mudari' al-mudari', il englobe le sens du masdar. On rappelle quoi? On rappelle que le masdar, c'est un mot, c'est un nom qui indique une action. Le verbe, il indique une action, mais il est en même temps lié à un temps. Ici, wala tushriku, c'est un verbe fi'l mudari', c'est un verbe qui est inaccompli, c'est quelque chose dont on est en train de parler maintenant ou dans le futur. Et que ce verbe-là, il englobe donc le masdar. Donc le masdar, c'est un nom qui indique une action. Et le masdar, il est en arabe, il est nakira. Le masdar, il est nakira. Ça, c'est une règle. Ibn Taymiyyah, il la cite. Le masdar, il est nakira. Et ici, ça veut dire que on pourrait remplacer. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le verbe qui est mudari' et qui englobe le sens du masdar, ici, le verbe, on va dire qu'il est nakira. Et on se retrouve pareil avec un mot qui est nakira, qui est indéterminé, dans une phrase d'interdiction. Donc, ça profite aussi, ça nous montre quoi? L'umum, la globalité. Et ce qu'il a dit le shir, Ibn Qasim rahimahullah, c'est-à-dire que on tire de ce verset l'interdiction de toute forme de shirk, on l'apprend ici du verbe, on l'apprend pas de shay'an, on l'apprend de wala tushriku. On dit wala tushriku, tushriku fi'lun mudari'un mutadamminun li masdar wal masdar an-nakira wal nakira fi siyaq an-nafi wa siyaq an-nahy yufid al-umum. Donc aussi, on tire de ça l'interdiction de toutes sortes de shirk, qu'ils soient petits shirk ou grands shirk ou de n'importe quelle sorte qu'ils soient. Dhabh li ghayrillah, wa l'istighatha li ghayrillah, toutes les ibadas qu'on connaît, on le tire de là. L'umum, on le tire de là. Et shay'an, ça c'est un deuxième mot qui nous montre, qui donne la notion de globalité, de totalité, c'est, ici ça concerne el-ma'boudet. C'est-à-dire que shay'an, Pareil, nakira fi siyaq an-nahy, il fait de l'umum, ça veut dire que c'est un mot qui va englober toutes les sortes de divinités. Quelle que soit la sorte de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est rejetée. Donc dans le verset, on a deux fois l'umum, deux fois mais on le tire de deux endroits différents et ça a deux sens différents. C'est-à-dire que en gros, c'est ne commet aucune sorte de shirk et ceci envers aucune sorte de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on tire du verset par la langue arabe. Donc, ce que le shir dit, quand il dit Nakiratun fi siyaq an-nahy, donc ça, c'est juste, il dit Fata'oum shirk qalilahu wa kathirahu. Ça, fait nazar, Allah alam, c'est pas juste. Ça, on le tire du verbe, comme on a dit. Wala tu shirku. Et Shay'an, ça englobe toutes les sortes pas de shirk, mais toutes les sortes de divinités. Donc, ce qui est renié, ce qui est rejeté là-dedans, c'est toute forme de shirk envers toute autre forme de divinité en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Na'am. دي وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، وذلك لأنها تضمنت 10 حقوق، وابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات. Ce verset, il a été appelé, donc le verset وَاعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِشَيْءٍ اللي dans سورة النساء. Il a été appelé le verset des 10 droits. Des 10 droits. Et là, ils disent que c'est les 10 commandements connus là, de Moussa. Là. Ils ont fait un film, là, 10 commandements. Là. Donc ça correspond à ce qu'il y a dans ce verset-là. Allahu alam. À la kulli hal, il a été appelé les 10 commandements. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset aussi, il cite 10 commandements clairs, tranchants, qui ne portent à aucune interprétation autre possible de ce qu'on comprend dans l'apparence du verset. Qu'on appelle al-muhkam, al-muhkamat. Et ce qui est voulu ici, pourquoi le shir il cite ce verset-là, il dit que ces commandements, ils ont été commencés par quoi? Par l'ordre du tawhid et l'interdiction du shirk. Et ça nous indique que le tawhid, c'est l'ordre qui a la plus grande importance. La chose qui a la plus grande importance dans cette religion, c'est le tawhid avant toute autre chose. Et ça, c'est le pourquoi le shirk il cite ce verset-là dans ce chapitre-là. Il dit Wafiha tafsiru tawhid. Wafiha tafsiru tawhid. وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك وهذا وجه مطابقتها لترجمة قاله حفيد المصنف. ففي là-dedans في النظر aussi. Là, il cite une deuxième chose. C'est exactement comme dans le verset précédent. Hein. C'est pareil. Ici, il dit, et on a aussi dans ce verset l'explication du sens du tawhid. Comme on l'a vu dans le verset avant, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Donc on a vu que لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, c'était le sens de لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, c'est le sens du tawhid. Dans ce verset-là aussi, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, et adorer Allah et ne lui associer rien, ça c'est aussi le sens du tawhid. Donc la question ici, il y a eu une divergence entre les ulama qui ont expliqué Kitab al-Tawhid, c'est est-ce que ce que le shir y vise dans ce chapitre-là, c'est à expliquer le sens du Tawhid ou c'est à montrer que le Tawhid, c'est la chose la plus importante dans l'islam. Là ici, il cite la parole de Sulayman Ibn Abdillah dans Taysir al-Aziz al-Hamid, où lui, sur le shir Sulayman, il voit que le shir, il a voulu montrer dans ce chapitre le sens du tawhid à travers ce verset par exemple et celui d'avant wa'budu Allaha wa la tushriku bi shay'an, ça explique le tawhid et c'est vrai, ça explique le tawhid, mais wallahu alam, ce qui est voulu dans ce chapitre là c'est ce qu'il a dit avant, c'est de montrer que le tawhid de montrer le statut du tawhid et la place du tawhid dans l'islam, Parce qu'encore une fois, on a dit que le shir, il a réservé un chapitre bien spécial pour expliquer le sens de la ilaha illallah, le sens du tawhid, c'est le sixième chapitre. Donc c'est peu probable qu'il ait visé dans le premier, dans le sixième, à expliquer la même chose. Donc ici, dans le premier, wallahu alam, il veut montrer l'importance du tawhid, et c'est pour ça qu'il cite ces versets-là, ce qu'on appelle l'ayat al-muhkamat. Et à chaque fois, dans tous ces versets-là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il cite en premier lieu le tawhid avant toute chose. Il dit وفي بعض النسخ المعتمدة تقديمها على آية الأنعام فقدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود. نعم، يدي وفي بعض النسخ المعتمدة تقديمها على آية الأنعام فقدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود رضي الله عنه. Dans certaines éditions qu'il avait entre les mains, certains manuscrits, donc ce verset-là, il est cité avant le verset de Sourate Al-An'am qui vient après. Parce qu'il y a un lien entre le verset de Sourate Al-An'am qui va citer après et le premier hadith que le shiri cite, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, comme on va le voir après, Inch'Allah. Et là aussi, le shir نعم, donc ça, là on arrive au cinquième verset. Il dit ta'ala, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. أي قُلْ يَا مُحَمَّدْ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ. Donc ça, c'est le cinquième verset du chapitre. Verset de Sourate Al-An'am. أي قُلْ يَا مُحَمَّدْ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَوْا أي هلم وأقبل أتلو أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرسا ولا ظنا بل وحيا من وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. Donc ici, Allah Jalla wa Ala s'adresse à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, dis à ces mushrikin qui ont adoré ou qui ont pris des divinités en dehors d'Allah. Ta'alaw, c'est-à-dire venez, venez à moi, que je vous récite et que je vous informe ce que votre Seigneur vous a interdit. De manière véridique, non mensongère, et qui ne provient pas non plus de quelque chose du dhan, c'est-à-dire quelque chose qui provient simplement de l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, sans révélation. Mais ça provient de la révélation, et c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enjoint et il ordonne aux mushrikin, c'est quelque chose qui provient de la révélation. Ça vient pas de, donc tout ce qui sort de la révélation, ça rentre pas dans cet ordre-là. Allah tushriku bi shay'an. إذ كأن في الكلام محذوفا تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا. Donc c'est comme si dans la parole il y a quelque chose qu'on a enlevé. C'est-à-dire, il dit, c'est comme si on disait وصاكم ألا تشركوا به شيئا. C'est-à-dire, il vous a ordonné de ne rien lui associer. فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. Parce que si on prend le verset comme il est, si on reprend le verset, قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Si on traduit comme ça vient, dit donc au Mohammed, dis-leur, venez, que je vous informe ou que je veux réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, de ne rien lui associer. Donc là, si on traduit comme ça, sans prendre en compte qu'il y a quelque chose qui est enlevé de la parole pour avoir la bonne compréhension, on traduirait ça, je vais vous informer ce que votre Seigneur vous a interdit de ne rien lui associer. Comme rien associé, c'est quoi cette tawhid? Allah subhanahu wa ta'ala, on comprend, il a interdit quoi de tawhid? Non, c'est évidemment, c'est pas ça le sens. Donc il dit, taqdirul kalam, le sens de la parole, c'est haram alaykum ma wassakum bitarkihi min al-ishrak bih. C'est-à-dire, il vous a interdit ce qu'il vous a enjoint ou ce qu'il vous a ordonné de délaisser de shirk. Ça, c'est le sens de la parole. Dans Fath al-Majid, Abdurrahman ibn Hassan, il ramène la parole de Ibn Hisham al-Ansari, rahimahullah, savant de la langue arabe, sur ce verset-là, dans son livre Mughni al-Labib, où il explique les différentes manières de comprendre le verset, et dit que c'est ce sens-là le plus juste. À la kulli hal, il manque pas, mais il y a quelque chose qui est mahdhouf, qui est enlevé de la parole, et si on la lit comme ça en apparence, évidemment, on comprend un sens qui est faux. Et c'est le sens juste, c'est ce qu'on a, ce qu'il a cité le shir, là. لولي هذا إذا سئل الصحابة رضي الله عنهم عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول أعبد الله ولا تشرك به شيئا. Il dit, c'est pour ceci que, ou c'est pour cela que lorsque les compagnons était interrogé sur le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il vous dit exactement? Alors les compagnons, ils disaient, n'adorez qu'Allah et ne lui donnez aucun associé. C'est ce que Abu Sufyan, il a compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça que lorsqu'il a été interrogé par Qaysar dans le hadith bien connu rapporté par Ibn Abbas dans Sahih al-Bukhari, lorsque Abu Sufyan, il a rencontré Qaysar en Palestine, Allahu Alam, il l'a interrogé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'est-ce qu'il vous ordonne? Et la première chose qu'Abu Soufiane il a cité, c'est l'adoration d'Allah seul et de délaisser le shirk et de délaisser ce que disaient vos ancêtres. Donc c'est ce qu'ils comprenaient eux de la ilaha illallah, c'est ça qu'ils comprenaient eux du tawhid, ce qu'ils avaient compris du tawhid. Et donc, ils ont rejeté ce qu'ils avaient compris du tawhid. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas le sens. Ils rejettent aussi ce que ça signifie, mais à la base, ils ne comprennent déjà pas le sens. Contrairement aux anciens, aux premiers mouchriquins, plutôt. Dieu wa zakara subhanahu fi hadhihi al-ayati jumalan min al-muharramat. وابتدأها بالنهي عن الشرك. Donc là encore, c'est ce qui nous intéresse dans le verset, et c'est ce pourquoi le shir il a ramené ce verset-là, c'est que le Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il cite une série d'interdictions. Et la première, ou celle qu'il a fait devancer devant tout autre, c'est l'interdiction du shirk. Pour montrer que le shirk, encore une fois, c'est la pire des choses et la pire des choses par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est désobéi, le shirk. Et ici, il n'a pas cité l'ordre du tawhid. Il cite l'interdiction du shirk, mais pas l'ordre de l'adorer lui seul. C'est pour ça qu'il dit وَالنَّيْهِ عَنَهُ يَسْتَدْعِي التَّوْحِدَ بِالِقْتِضَى يَسْتَدْعِي التَّوْحِدَ بِالِقْتِضَى. C'est-à-dire que l'interdiction du shirk, elle implique forcément l'adoration ou l'ordre de l'adoration d'Allah Jalla wa Ala Sal. C'est pour ça qu'il y a une règle aussi dans l'usul, dans l'usul al-fiqh, qui dit que al-amr bi shay yastalzimu an-nay an diddihi. الأمر بشيء يستلزم النهي عن ضده. C'est-à-dire que l'ordre d'une chose, quand on donne à quelqu'un l'ordre de faire quelque chose, cet ordre-là, il implique l'interdiction de faire l'inverse de ce quoi on a ordonné. Si on reprend aussi le verset d'avant, Allah dit « Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an ». Des ulama, il dit le simple fait qu'Allah Jalla wa'ala, il dise « Wa'budu Allah », l'obligation, l'ordre de l'adoration, ceci, ça implique l'inverse, ou ça implique, pardon, l'interdiction de l'inverse. Qui est le shirk? L'inverse de l'adoration d'Allah Jalla wa Ala seul, c'est le fait d'adorer Allah et d'adorer d'autres divinités, le shirk. Donc l'ordre d'adorer Allah seul, il implique yastalzim, il implique l'interdiction de son inverse. Si, on le voit aussi dans un exemple qui sort, on va dire, du domaine religieux. Si je dis à quelqu'un, lève-toi. Si je dis à quelqu'un, lève-toi, cet ordre, il implique, il va impliquer l'interdiction de se coucher et de s'asseoir. Si je dis à quelqu'un, lève-toi, mon ordre, il implique que je lui interdis de se coucher et de s'asseoir. Je lui ordonne la position debout, ça implique forcément que je lui interdis de s'asseoir et de se coucher. C'est ça ici qu'il veut dire. Ici, il dit, Naam, il dit, on en était, Wanei, anhu yani ane shirk, yestadai et tawhid bil-iqtida. Si j'interdis à quelqu'un de commettre le shirk, ça implique que je lui ordonne d'adorer Allah Jalla wa Ala seul. Ensuite, il dit فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّوْحِيدَ أَوْجَبُ الْوَاجِبَاتِ وَأَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَامُ الْمُحَرَّمَاتِ وَهَذَا وَجْهُ مُتَابَقَتِهَا لِتَرْجَمَةِ. Donc, exactement comme les deux versets précédents, ceci, ça indique que le tawhid est la plus grande et la plus importante des obligations et que le shirk est le plus grand des péchés et la plus grande désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il continue wa bil walidayn ihsana. Ça fait un peu plus d'une heure, inshallah ta'ala, on va arrêter là, on continuera la prochaine fois. Donc on va arrêter là, wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.